بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة في شرح أصول الإيمان on continue l'explication du livre Les Fondements de la Foi de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala et ça fait plusieurs séances qu'on aborde le hadith de la division de la communauté musulmane, hadith al-iftiraq. Et on a commencé à aborder donc les ambiguïtés qui sont présentes dans une vidéo, beaucoup d'ambiguïtés dans une vidéo pour montrer, pour rejeter ce hadith et montrer qu'il est faible. J'ai donc jugé important de répliquer à toutes ces ambiguïtés. Car la personne qui ne connaît pas la science du hadith, en regardant ce genre de vidéo, peut être leurrée et penser que effectivement ce hadith il est faible et que depuis des années on se fait leurrer par les ulémas qui trichent, etc., etc. Et donc il est important d'expliquer aux gens la vérité. On a vu lors des cours précédents le caractère inapproprié quant au fait d'utiliser la narration inventée du hadith de la division de la communauté, on a vu donc qu'il est inapproprié d'utiliser la narration inventée pour critiquer le hadith. On l'a montré avec les preuves. Pour ceux qui n'ont pas assisté, vous pouvez donc trouver les enregistrements, inshallah ta'ala, qui seront placés sur le site bi'idhnillahi ta'ala. On a aussi vu qu'il était incorrect d'utiliser l'existence d'une divergence entre les ulémas sur un sujet pour rejeter une vérité. Comme le fait de rejeter un hadith sous prétexte que les savants ont divergé sur celui-ci. Tu ne peux pas dire « Ah, tel hadith, on ne peut pas le prendre. » Pourquoi ? Parce que les savants, ils ont divergé. Les savants, ils ont divergé sur plein de sujets. Mais nous, ce qui nous concerne, ce n'est pas la divergence. Nous, ce qui nous concerne, c'est le résultat. Est-ce que le hadith, il est authentique ou pas? Et on a abordé ce sujet, on va en reparler, inshallah ta'ala, un peu plus tard. Et on a aussi vu qu'il est malhonnête de montrer que la divergence des savants sur ce hadith, c'est-à-dire sur le hadith de la division, il est malhonnête de montrer que la divergence des savants sur ce hadith est une grosse divergence. Alors qu'en réalité, les savants qui disent que ce hadith est faible, est inacceptable, ils sont rares. Ils sont très rares. Et donc c'est malhonnête de montrer aux gens qu'il y a une grosse divergence, alors que pas du tout. Et aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va continuer donc cette réplique. Et on aborde aujourd'hui le fait que M. Ismaël Mounir, il nous dit dans cette vidéo que le hadith a 8 voies. Le hadith a 8 voies, c'est-à-dire qu'il passe, les chaînes de transmission, elles vont passer par 8 compagnons. Donc on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit le hadith, certes la communauté, donc les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens en 72 groupes, et ma communauté se divisera en 73 groupes, tous dans le feu, sauf un. Et donc on a la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous rapporte la parole du prophète, 8 compagnons. Et de là, ça se divise. Et donc de chaque compagnon, il y a certains tabi'in qui l'ont pris, et ensuite, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive aux auteurs des livres de hadith. Il nous dit donc qu'il y a 8 voies. 7 sont fausses, et une seule est authentique. C'est la voie qui passe par Abu Huraira, radiyallahu anhu. Et cette voie, elle ne contient pas la fin du hadith, tous dans le feu, sauf un. Est-ce que vous avez compris? 8 voies pour ce hadith. 7 voies sont faibles. Une voie est authentique. C'est la voie qui passe par Abu Huraira, radiyallahu anhu. Et cette voie-là, elle ne contient pas la fin du hadith. La fin du hadith qui pose problème à certaines personnes. Tous dans le feu, sauf un. Cette fin du hadith, elle n'est pas présente dans la narration de Abu Huraira. Et donc ici, Monsieur Ismaël Mounir, il nous montre que ce hadith n'est pas acceptable. Regardez, les chaînes de transmission, elles sont faibles, et la seule chaîne qui est acceptable, elle n'a pas la fin du hadith. Et donc, on commence ici à voir que Monsieur Ismaël Mounir, il parle d'un domaine qu'il ne connaît pas. Il n'a sûrement pas étudié la science du hadith, ou alors, très peu. Il lui convient donc d'éviter d'aborder des sujets qu'il ne connaît pas. À quoi bon lire un ou deux livres de certains contemporains qui vont chercher à rejeter un hadith qui a été accepté par tous les savants de génération en génération, sauf quelques rares exceptions? On va donc lire, à quoi bon lire l'écrit de ces contemporains qui vont chercher à rejeter ce hadith et à répéter leurs paroles comme un perroquet sans chercher à vérifier est-ce que leur parole elle est correcte ou pas. Vous allez comprendre pourquoi ce que je dis que ici on commence à voir qu'il ne connaît pas la science du hadith. Selon M. Ismaël Mounir, la narration acceptable est celle d'Abu Huraira radiallahu anhu, qui ne cite pas la fin du hadith. Puis il nous dit qu'il y a sept autres voies qui concernent la narration complète et ces sept voies, elles sont faibles. Mais M. Ismaël Mounir ne sait-il pas que dans la science du hadith, quand un hadith a une légère faiblesse dans la chaîne de transmission, et que celui-ci a plusieurs voies, les chaînes de transmission, elles se renforcent les unes des autres. Et ce hadith va être authentique. Ça, c'est une règle qui est connue dans la science du hadith. Et c'est pour cela qu'Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, lorsqu'il cite ce hadith, il nous dit « Walahu turukun kefira ». Ce hadith a beaucoup de voix. Pourquoi ? Parce que c'est connu chez les savants du hadith que lorsque un hadith a une certaine faiblesse dans la chaîne de transmission, mais qu'il y a beaucoup de voix, beaucoup de chaînes de transmission, les chaînes de transmission se renforcent mutuellement. Parfois, les savants, ils utilisent juste deux chaînes de transmission pour renforcer un hadith. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans plusieurs passages de ses livres, il nous montre qu'une chaîne de transmission, il nous dit, ici, dans cette chaîne de transmission, il y a un problème. Il nous montre que c'est un léger problème, il nous dit, mais il y a une autre chaîne de transmission qui va renforcer celle-ci, le hadith est accepté. Deux chaînes de transmission. Ici, M. Ismaël Mounir, il nous montre sept. Il nous dit, il y en a sept. Et derrière, il nous dit que le hadith n'est pas acceptable. Il nous dit que le hadith n'est pas acceptable. Il était convenable ici, lorsque vous nous dites qu'il y a sept voies, de nous montrer que les sept voies sont très faibles et qu'il est impossible qu'elles se renforcent mutuellement. Là, ça aurait été une bonne argumentation. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le cas. Il y a parmi ces voies qui ont été cités, les sept faibles, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il les a cités les voies du hadith. Et parmi ces voies, il y en a certaines qui vont avoir une légère faiblesse, d'autres qui vont avoir une faiblesse importante, et d'autres qui vont carrément être acceptables. Certains savants du hadith ont jugé certaines chaînes de transmission de ce hadith Hassan, comme Al-Busayri, rahimahullah, il juge certaines chaînes de transmission de ce hadith comme étant Hassan, c'est-à-dire que la chaîne en elle-même, de façon indépendante, sans avoir besoin de se faire renforcer, elle-même, elle est correcte, elle est Hassan, bonne. Que dire lorsqu'on a plusieurs voix? On ne peut pas rejeter ce hadith. Une personne qui connaît la science du hadith et qui sait que un hadith, il peut être authentique de plusieurs façons. Soit la chaîne de transmission, elle est authentique de façon indépendante, elle n'a pas besoin des autres chaînes de transmission. soit la chaîne de transmission va être authentique de façon dépendante. C'est-à-dire que c'est une chaîne de transmission qui a un léger problème qui va être renforcée par d'autres chaînes de transmission qui amènent au même hadith. Et c'est le cas ici dans ce hadith. Sauf que monsieur Ismaël Mounir, il a omis de nous citer cela. Et donc c'est soit monsieur Ismaël Mounir, il sait très bien que les chaînes de transmission, elles se renforcent mutuellement, mais il a omis de nous le citer de la même façon qu'il a omis de nous citer que la grande majorité des savants du hadith ont accepté ce hadith, ou alors il ne savait pas cette règle, il ne connaissait pas cette règle, et il a parlé d'un sujet qu'il ne connaît pas. Et c'est pour cela que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, après avoir cité les chaînes de transmission et après avoir montré les quelques faiblesses qu'il y a à droite à gauche et les nombreuses chaînes de transmission, il nous dit فَكَدْ تَبَيَّنَ بِوُدُوحَ أَنَّ الْحَدِيثِ ثَابِتٌ لَا شَكَّ فِيهِ. Il apparaît clairement que le hadith est authentique sans nul doute et qu'il n'y a nul doute en cela. Car n'importe qui a étudié la science du hadith, en voyant le grand nombre de chaînes de transmission, il ne doute pas de l'authenticité de ce hadith. Et ensuite, M. Ismaël Mounir, il nous dit, là c'est moi, je vais vous poser une question, inshallah ta'ala, par rapport au cours qu'on a vu précédemment. Il dit, les savants ont divergé concernant le hadith ahad. Le hadith ahad, qu'est-ce que c'est? Là ici, on a besoin de comprendre. Le hadith ahad, c'est un hadith qui, dans sa chaîne de transmission, à un moment ou un autre, on va trouver un seul rapporteur qui rapporte une information d'un seul rapporteur. Ou alors deux rapporteurs qui rapportent une information de deux rapporteurs, donc de deux narrateurs. Ou alors trois narrateurs qui rapportent une information de trois narrateurs. Ou peut-être un peu plus. Mais on n'atteint pas un grand nombre qui fait que ce hadith devient notoire. C'est quoi un hadith notoire? C'est-à-dire un hadith qui est indéniable. Il y a tellement de personnes qui ont tellement de narrateurs qui le propagent qu'il est indéniable. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Farid, elle est de quelle couleur la Maison Blanche? Hein? Elle est blanche? T'es sûr? T'es déjà allé là-bas pour voir? Non, mais c'est connu. C'est connu que la Maison Blanche, elle est blanche. Je ne suis pas encore allé. Si tu me dis que tu l'as vu à la télé, je te dirais, ben à la télé, parfois, ils peuvent nous montrer de mauvaises choses. La Maison Blanche, le fait que c'est un bâtiment qui est blanc, ça, c'est une information qui est notoire. Même si tu ne regardes pas la télé, tu sais, tous les gens ils disent ça. Et donc, c'est ça qu'on appelle une information notoire. Il y a un tellement grand nombre de personnes qui le propagent que ce n'est pas possible qu'ils aient menti là-dessus. Et donc, un hadith qui est notoire, il a été rapporté par tellement de compagnons, tellement de narrateurs, que ce n'est pas possible qu'il se soit trompé ou qu'il y ait eu des mensonges dedans. Un hadith qui est ahad, c'est un hadith qui a été rapporté par un narrateur, ou deux, ou trois, mais ce n'est pas un nombre qui va faire que ça sera notoire, ce n'est pas un grand nombre. Et donc, il nous dit, M. Ismaël Mounir, il nous dit que les savants ont divergé concernant le hadith ahad. Que dire donc d'un hadith dont les savants ont divergé sur son authenticité? Qu'est-ce qu'on dit ici? Que dire donc d'un hadith dont les savants ont divergé sur son authenticité? Premièrement, ça n'a pas de lien. Et deuxièmement, on a vu dans les cours précédents que les savants, ils ont divergé sur beaucoup de sujets. On a vu qu'il y a des hadiths dans Sahih al-Bukhari qui ont été critiqués par Ad-Darqutni, l'imam Ad-Darqutni. Mais après l'étude des savants, il apparaît clairement que l'imam al-Bukhari avait raison. Est-ce qu'aujourd'hui, une personne peut venir et nous dire « Ah, on ne peut pas accepter les hadiths de Sahih al-Bukhari parce qu'il y a une divergence sur l'authenticité du hadith. » Personne ne peut dire ça. La présence, et donc le fait qu'il y ait une divergence sur le sujet, ne nous permet pas de rejeter une vérité. On avait abordé quoi comme sujet ? On avait abordé le fait de jeûner les 6 jours de Shaouel. Je ne vais pas vous demander qui a jeûné les 6 jours de Shaouel. Mais il y a un avis qui dit qu'il ne faut pas jeûner les 6 jours de Shaouel. Ah ben oui. En plus, quand je vois autour de moi, j'ai l'impression que la majorité des frères ici, ils viennent du Maghreb. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik, les frères. C'est l'avis de l'imam Malik qui déconseille le fait de jeûner Shaouel. Pourquoi ? Parce que c'est pour éviter que les gens confondent le jeûne de Shaouel et le jeûne de Ramadan, et que les gens ils pensent que Shaouel c'est obligatoire comme Ramadan, ou que Shaouel en fait partie. Est-ce que l'argumentation d'Imam Malik elle est acceptée ? Non, elle n'est pas acceptée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à jeûner Shaouel, on jeûne Shaouel. L'imam Malik rahimahullah, c'est un grand imam, il est appelé l'imam des imams, mais ce n'est pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc aujourd'hui, une personne ne peut pas venir nous dire « Ah, t'as jeûné Shaouel ?» Ah, il y a divergence sur le sujet. Il y a divergence. Qui a récité le Fatiha pendant la prière ? On a pris l'Asar. Qui a récité le Fatiha ? Tout le monde a récité le Fatiha, je pense. T'arrives. Est-ce que maintenant une personne peut dire « Ah, t'as récité le Fatiha ?» Oh. Il y a divergence sur le sujet. Abu Hanifa, il voit que ce n'est pas obligatoire. Est-ce que c'est permis ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on regarde la preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Une prière, il n'y a pas de prière tant qu'on ne récite pas Umul Kitab, la Fatiha. » Et donc, on ne se base pas sur le fait qu'il y a une divergence sur un sujet pour rejeter une vérité. Ce n'est pas une argumentation acceptable. Ensuite, concernant le fait de citer Khabarul Ahad, le fait qu'il nous cite que les savants ont divergé concernant le hadith Ahad, cela montre que M. Ismaïl Mounir ne connaît pas la science du hadith. Car le fait de rejeter un hadith parce qu'il est ahad, cette méthodologie est la méthodologie des gens de la passion. Ce n'est pas la méthodologie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Ce n'est pas la méthodologie des gens du hadith. Ils ne rejettent pas un hadith sous prétexte qu'il est ahad. Cheikh l'imam Ibn Baz, rahimahullah, il fut interrogé concernant le fait de rejeter un hadith sous prétexte qu'il est ahad. Une personne qui l'a rapporté d'une personne, ainsi de suite. Il dit, Cheikh Ibn Baz, « Yu'tabaru dallan mudillan » La personne qui fait cela, la personne qui rejette un hadith pour cette raison, il est considéré comme égaré, égareur. « Wa yu'tabaru murti'an ghaltan » Cette personne est considérée comme étant dans une erreur. Wala yutaba, il n'est pas suivi. Wala yukhadhu bi qawlihi, et nous ne prenons pas sa parole. Bal huwa ghaltan wa huwa ala khatarin 'azim min hadha al-qawl. Mais il est dans une erreur et il est dans un très grand danger à cause de cette parole. Fa ahlus sunnati wal jamaa'a ajma'u 'ala qabul khabar al-ahad wal ihtijaj bihi. وممن حكى ذلك الخطيب البغدادي وابن عبد البر رحمهما الله وغيرهما. Il nous dit, Cheikh Ibn Baz rahimahullah, mais au contraire, les gens de la sunna et du groupe sont unanimes sur le fait d'accepter les hadiths ahad et de les utiliser comme preuve. Et parmi ceux qui ont cité l'unanimité, il y a Al-Khatib al-Baghdadi, qui fait partie des très grands savants dans la science du hadith, ainsi que Ibn Abdel Barr, lui aussi qui fait partie des très grands savants du hadith, et qui fait partie du Madhhab Malikid. C'est celui qui a expliqué quel livre ? Le Muwatta de l'imam Malik. Il a fait l'explication du Muwatta de l'imam Malik. Et d'autres savants qui ont rapporté cette unanimité. Il nous dit, Cheikh Ibn Baz, كلاهما ذكر إجماع أهل العلم على قبول خبر الآحاد إذا صحت الأسانيد. Les deux, Al-Khatib al-Baghdadi et Ibn Abdelbar, ils nous citent l'unanimité des gens de la Sunna quant à l'acceptation du hadith Ahad si la chaîne de transmission elle est authentique. Et attention, quand on dit chaîne de transmission authentique, c'est avec la compréhension comme on a cité tout à l'heure. Une chaîne de transmission, elle peut être authentique de façon indépendante, toute seule, et elle peut être authentique de façon dépendante, renforcée par d'autres chaînes de transmission. Il continue, dit Cheikh Ibn Baz, wa hakadha qala Ahmed wa ghayruhu min al-a'imma kulluhum ajma'u ala qabul khabar al-ahad idha sahhat biha al-asanid an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'a dit l'imam Ahmed et d'autres parmi les imams. Tous sont unanimes sur la, quant à l'acceptation du hadith ahad si les chaînes de transmission sont authentiques jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَمَنْ زَعَمَ إِنْكَارَهَا أَوْ طَعَنَ فِيهَا أَوْ قَالَ لَا يُحْتَجُّ بِهَا فِي الْعَقَائِدِ فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا عَظِيمًا فَهِيَ حُجَّةٌ فِي الْعَقَائِدِ وَغَيْرِهَا. Et donc il nous dit, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, alors celui qui prétend le fait de rejeter ces ahadiths ou de les critiquer ou qui dit qu'on ne peut pas les utiliser comme preuve dans la croyance, celui-ci a commis une grave erreur car ces hadiths sont des preuves dans la croyance et dans les autres domaines que la croyance. Fin de citation de cette parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et donc, les frères, il apparaît clairement ici que M. Ismaël Mounir, il ne connaît pas ce domaine, la science du hadith. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où une personne étudie la science du hadith et qu'elle étudie le livre le plus connu, le livre qui est cité comme étant le meilleur livre après le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, Sahih al-Bukhari, ben forcément, tu vas trouver, quand tu étudies ce livre, eh bien tu vas aborder le fait que certains hadiths peuvent être critiqués, mais que la critique n'est pas du tout prise en compte. Car ce qui est pris en compte, c'est le résultat de la critique. Est-ce que c'est une critique valable ou pas ? Et donc, tu ne peux pas dire aux gens, attention, le hadith a été critiqué. Sinon, les frères, je vais vous dire, attention, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été critiqué. Ben oui, si on commence à faire comme ça, allez nous trouver quelqu'un qui n'a pas été critiqué. Ou un travail qui n'a pas été critiqué. Et donc, ce n'est pas une argumentation. Et aussi, de la même façon, lorsque tu commences à étudier Sahih al-Bukhari, tu verras que dans Sahih al-Bukhari, il y a des ahadiths qui sont ahads. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas rejeter ces ahadiths en utilisant la méthodologie des gens de l'innovation ? Non. Et c'est pour cela qu'il n'y a rien d'étonnant quand on voit que M. Ismaël Mounir, il s'affiche dans des rencontres avec certains ashaira. Certains Asha'ira, donc, qui rejettent les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme M. Mohamed Bajrafil, qui défend les Asha'ira et qui ment sur Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en disant que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah était Asha'arite. Et donc, il n'y a rien d'étonnant quand on voit ce genre de choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a parmi les fondements d'El Asha'ira le fait de rejeter les ahadiths parce qu'ils sont ahad. Tu vas les voir, tu vas aborder un sujet concernant Yawm al-Qiyamah, concernant les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu vas le baser sur un hadith authentique. Dans Sahihain, ils vont te dire ahad. On prend pas. Khabar ahad, on prend pas. Désolé. Et on a déjà cité un exemple sur ce sujet. On avait cité l'exemple. Le châtiment de la tombe. Le hadith dans Sahihain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit innahuma la yu'adhaban. Ces deux qui sont dans cette tombe, ils se font châtier. Ahlus sunna wal jama'a, ils ont utilisé ce hadith pour affirmer le châtiment de la tombe. Le fait que les gens se font châtier dans leur tombe. Ils ont utilisé ce hadith et d'autres preuves. Taïb, Ahl al-Bida, les gens d'innovation qui disent non, ça n'existe pas, châtiment de la tombe. Comment ça, châtiment de la tombe ? C'est quoi ça ? Ça ne rentre pas dans la raison. Comment ça ? Lorsqu'on défait la tombe, est-ce qu'on voit qu'une personne s'est fait châtier ? Et donc, ils ont commencé à essayer de raisonner sur le sujet. Avec une raison qui est, bien entendu, blâmable. Qui cherche à contredire les textes du Coran et de la Sunna. Et donc, ils rejettent le châtiment de la tombe. Tu viens avec ce hadith qui est dans Sahihain. Ils te disent non, ahad, on n'accepte pas. Taïb, lorsque tu ouvres les livres de fiqh, les livres de jurisprudence, et que tu abordes le sujet de la purification, et qu'il est important de se purifier après avoir uriné, tu vas utiliser les mêmes, tu vas voir les mêmes innovateurs qui ont rejeté ce hadith dans la croyance parce qu'il est ahad. Ils vont te dire, oui, mais il faut faire attention, il faut se purifier correctement, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, ces deux, ils se font châtier, par, il y a l'un d'entre eux qui ne faisait pas attention lorsqu'il urinait, et l'autre qui faisait du colportage. Tu dis, mais, attendez, mais c'est vous, vous avez dit que le hadith, il est ahad. Vous avez dit que ce n'est pas une preuve. Ils vont te dire, ce n'est pas une preuve dans la croyance. Ce n'est pas une preuve dans la croyance. Et donc, des règles inventées pour rejeter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour finir les frères, dernier point, inshallah ta'ala, c'est que monsieur donc Ismaïl Mounir, dans une vidéo, il dit que si on est sincère, il dit que, concernant les personnes qui le critiquent, il dit s'ils sont sincères, alors ils me contactent en privé pour me conseiller. Et ce sujet, c'est un sujet que les savants ont aussi abordé. Il n'est pas mis en condition le fait de conseiller la personne en privé lorsque l'erreur est faite publiquement. Ici, M. Ismaïl Mounir, il pense injustement à sa propre personne. Il pense injustement et égoïstement à sa propre personne. Et ne pense pas aux milliers de personnes qui ont regardé sa vidéo et que s'il se trouve, ont commencé à rejeter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de ce genre de vidéo. Et donc oui, nous donnons ce conseil publiquement afin de protéger les gens, afin de protéger la communauté musulmane, en espérant que M. Ismaïl Mounir accepte le conseil et qu'il revienne de ses erreurs et qu'il aille apprendre la religion. Car il ne suffit pas de lire, il ne suffit pas d'être arabophone et de lire un ou deux livres pour pouvoir enseigner la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il faut étudier pour éviter donc de propager des erreurs catastrophiques comme celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le compagnon, lorsqu'il était en pleine khutbah du Jumu'ah, et que le compagnon, il y a un compagnon qui a traversé les rangs, il passait au-dessus des rangs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, « Ijlis, fekot evait, assieds-toi, certes tu as fait du tort. » Ça dérangeait les gens qui écoutent le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils voient un homme qui passe, ça peut les déconcentrer. Et donc, il l'a blâmé et lui a fait ce conseil devant tout le monde. Est-ce qu'on va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été sincère dans le conseil? Non, abadan, jamais. Et donc, ô chers frères, je me fais le conseil ainsi qu'à vous. Nous devons faire attention et faire prévaloir la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Pour montrer, les savants, ils nous disent, on tire de cela que ce qui est plus important, c'est la vérité. La vérité, elle est au-dessus de tous. Le fait que quelqu'un fasse une vidéo ou un audio public pour montrer mes erreurs, je lui dis Jazakallahu khayran. Franchement, Jazakallahu khayran. J'en avais besoin. Alhamdulillah, quelqu'un m'a montré les erreurs que j'ai. Je vais corriger ça sur mon site. Allons-y. Mais ce caractère égoïste de dire, ah non, moi, si vous voulez me conseiller, il faut me conseiller en privé. Sinon, non, je ne prends pas, moi. Je ne regarde même pas, je n'écoute pas. Ce n'est pas un caractère qui fait partie du comportement des gens, de la sunna. Et n'importe quelle personne qui a étudié, ne serait-ce qu'un minimum, voit que les savants, ils se sont fait des critiques sur des sujets de façon publique, dans leurs livres. Dans leurs livres. L'imam muslim qui réplique à un tel, Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre qui réplique à un tel, etc., etc. Lorsque les savants voient une vérité, ils le montrent, c'est tout. En gardant le respect, etc. Mais ils montrent la vérité. Et donc il est important, chers frères, qu'on apprenne notre religion. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder à tous la réussite, il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran.